lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Interbraison, Nek, Kentel, Pemkan, Hugen, 520, Henri Lenaou, on se retrouve pour la leçon de breton, en quelque sorte. Oui, alors aujourd'hui, pour Guerriot Hervu, je pensais parler du mot blonce. Blonce, B-L-O-N-S, avec un petit tilde sur le N. Donc, c'est un mot masculin, donc on dira heure blonce avec l'article, donc qui désigne un bleu, une hématome, la trace d'un choc. Tu as déjà entendu ce mot-là? J'ai entendu blonçer. Ah oui, blonce. En vrai, en français, quoi. Oui. Participe passé. Oh, là, les pommes sont blonçées, c'est toutes celles qui sont tombées. Voilà, c'est ça, exactement. Des pommes talées en français. Et ça se dit aussi en français, je l'ai entendu dire par une voisine quand j'habitais à Grasse, pour une voiture. Oh, mignon, ça. Blonçée. La voiture est blonçée, quoi. C'est à cause de la porte du garage. Oui, voilà. Alors, c'est un emprunt du breton au vieux français blost. B-L-O-S-T-E, qui signifiait une motte de terre ou bien une tumeur sur la peau. Donc c'est un mot d'origine germanique. Et donc blonce, pluriel blonsou. Hein. Voilà. Donc c'est souvent utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour de façon imagée, hein, comme pour une voiture par exemple. Hein. Donc, et ça a donné un verbe qui est blonçant. Blonçant qui veut dire contusionner, choquer, donner un coup qui entraîne un bleu, hein, et s'étaler pour un fruit. Hein. Donc le participe passé, blonce, hein, qui correspond au français régional blonce, quoi. Voilà, blonce, hein. Blonce des bêtes, hein. Blonce des bêtes d'Orvreuse, bon, voilà. Alors, il y a, à partir de là aussi, divlonçant, donc qui est enlever les bleus, hein, soigner un choc, hein. Et donc, la voisine disait, c'est pas facile de déblancer les voitures. Ah oui. Ça se guérit pas tout seul, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi un autre verbe qui est blonçate, qui est émietter la terre, qui se rapproche justement de l'emprunt d'origine au vieux français. Des mots dérivés, blonçaden, hein. Blonçaden, donc, c'est un mot féminin qui veut dire une contusion, un choc, hein, une talure. Et on a l'équivalent en masculin, blonçadur. Souvent, hein, on a aden et ur, hein, donc un mot féminin et un mot masculin qui ont à peu près le même sens. Blonçer, c'est l'action de justement de donner un coup comme ça, qui entraîne des bleus, quoi. Alors beaucoup on entendra souvent ça, hein. Blonce des Igorf. J'ai entendu aussi autrefois blonce des Isperet. C'est les bleus à l'âme, quoi. Hein. Les bleus à l'âme. Voilà. Blonce des bides. Alors, quand on dit blonce des bides, mais n'est que bégloiset. Hein, il a été... gloiset, c'est blessé. Hein, blessé, c'est quand vraiment il y a une blessure. Tandis que blonce, c'est... Blonce, c'est... Ça reste à l'intérieur. Ça reste à l'intérieur. Et puis, ça s'en va petit à petit. Quand j'étais gamin, ma main était passée entre la courroie et la poulie du moteur à battre, et elle était blonzée. Elle était toute noire, voilà. Et c'est parti tout seul, hein, au bout de quelques jours. Voilà. Alors, blonçus, hein, blonçus, c'est qui est susceptible, hein, de meurtrir comme ça, quoi. Alors, je l'ai dit, on disait ça pour les fruits, hein, avoir à l'eau, hein, et les poires surtout, hein. Les poires surtout supportaient pas la talure, hein, quand ça pourrit assez vite après, quoi. On parle de goat blonce aussi, hein, du sang coagulé, quoi, hein, qui stagne comme ça. Une expression aussi, mais plutôt humoristique, blonce en l'eau. Ça veut dire écraser des poux. Et il y avait un surnom, blonceur l'eau, pour quelqu'un dont les activités ne sont pas essentielles. Blonceur l'eau. Écraseur de poux, quoi. Il n'y en avait pas qui avait dans le même registre, qui allait péter les digitales sur les monts d'arrêt. Oui, Stracalburlu, oui. Monte Stracalburlu, hein. Très utile comme travail. Oui, on envoie les gens faire ça, quoi. Hein. Ou on les envoie ramasser des myrtilles aussi, Tiertelus, ça, hein. Voilà. Eh ben, voilà, un petit tour sur Blonce. On passe à la seconde partie. Alors, Brezhoneg tant matant, et on retourne dans le dictionnaire gaulois. Raison acte en matem, Henri, on est arrivé à la lettre O, il me semble, dans le dictionnaire gaulois. Oui, voilà. Alors, holo, O de zélo, c'est tout, total, hein, et ça correspond directement au breton hol, hein, très employé, et puis comme préfixe aussi, hein, voilà, et on le trouvait en gaulois, déjà. Onos, O de zélo, S, c'est le frêne. Le frêne, donc, c'est très proche du breton on, hein, O de zen aussi, quoi. Alors que le français frêne vient du latin fraxinus. Voilà. Orcos, qui est un des noms du porc, hein, probablement le mâle, hein, ce qui correspond au breton or, le verra, nortour, hein, le verra. Alors, le chiffre 5, c'est pemp, hein, pas de surprise, comme en breton, hein. Et ça, c'est une vieille racine indo-européenne. On retrouve presque la même en sanskrit et en le Pendjab, par exemple, hein, ou oui. Et on trouve ça aussi en grec, hein, le pinta, hein, voilà. Oui. Patagone, oui. Hein, par exemple, Pemdelian, Pempedula, c'est le nom gaulois de la potentille et qui donne Pemdelian en breton. Voilà. Penos. P-E de Zenos, tête, ah ouais. Comme peine en breton, quoi. Hein. Pétor ou pétuar, c'est le chiffre 4 qui correspond à pévar en breton. Par exemple, on trouve ça dans le Périgueux, hein, qui est Petracori, les quatre armées. Il y avait aussi le pétarito, la charrette à quatre roues, hein, en gaulois. Voilà. Pétia, P-E de T-I-A, c'est un morceau, un fragment. Ça correspond au breton pèse. Hein. Alors pèse, un morceau de quelque chose. Voilà. Prinard, c'est le verbe acheter qu'on trouve en breton sous la forme prénant. Hein. Voilà. Ratis, R-A-T-I-S, fougère, correspond au breton raden. Hein. Voilà. Ritu, alors le ritu, c'est très très répandu dans les noms de lieux. En gaulois, hein, ça veut dire un gué. Un gué, c'est-à-dire un endroit où on peut passer une rivière sans difficulté, à gué, quoi. Hein. Avant les ponts, bien sûr, on cherchait des gués, et beaucoup de villes ou de bourgades étaient installées à l'endroit où il y avait des gués les endroits où on pouvait passer la rivière. Ça a donné ça a donné ses parallèles au breton roudou, hein, qu'on trouve comme à Roudoualec, par exemple. Le guide des saules. Ruca, R-U-2-C-A, qui veut dire la ruche, hein, le rucher, hein, qu'on trouve en breton, hein, sur le mot rusque aussi. Roca, alors roca, c'est la roche, hein, et on va retrouver ça en breton, roch. Rota, alors rota, c'est la roue, mais c'est pas spécialement celtique, c'est une racine indo-européenne qu'on retrouve un peu partout dans les langues européennes, hein, la roue, hein. Rode en breton, hein, voilà, et en français aussi la roue, hein. C'est peut-être même avant pré-indo-européen. Voilà, rudio qui veut dire rouge, hein. Là aussi c'est une racine indo-européenne importante, hein, qu'on trouve par exemple dans l'anglais red, hein. Voilà, le breton rue. Voilà. Sago, c'est un manteau, un vêtement long, hein. On appelait ça en vieux français une saie, hein. Et zay en breton, oui. Ça donnait la robe en breton, oui. Et puis les vêtements de druides, tout ça, des vêtements longs et couvrants, quoi. Et puis salico, c'est le saule, hein. Alors là, on a souvent, quand on a un S en gaulois, on a souvent un H en breton. C'est vrai aussi pour les mots latins, hein, pour des raisons d'évolution linguistique que je ne vais pas développer ici. Donc salico en gaulois, ça correspond à harlog en breton. On retrouve par exemple des mots en S comme saule, soleil, sel, hein, qui sont en H en breton. Voilà. Et pour terminer, Samo l'été, là aussi le S correspond à H en breton, non. Et la fin de l'été, c'est Samonios, donc c'est le premier jour du mois d'octobre, hein. Du mois de décembre, de novembre, je veux dire, le dernier jour, ça correspond à la fête de Samin, quoi. Samonios, la fin de l'été. On en reste là? Là, on va en rester là, pour la fin de l'été. Et on passe à la troisième partie, Petras au Nevervro. Petras au Nevervro. Ben, calze draus au Nevervro, juste, et vel juste, bervis diusan, grogom de dientan, velkis accustum, ganela bourdouar, agar vue war armes. Eru om bamis heere, tramenra nams de rein, et chui non, a breman ma huls de hardor gunis han, gunis guan pelarin mat, a de zer yen trevadu evit kaout buit vid de lonet, pas d'argouan. À grand meutre à Istol et à maïs à betraves. À Bretor et à maïs à Blamont de Spemsecté, à Prestit Voser à tout Bavro. C'est eu vos caves de Bouit et vie de Londres, pas d'argouan. À Gézor Chance du Devro, que Pévé Gouelet, Pégen Triste et Entro, quand leur zéro à l'air aux eaux. Brovrance, Hendel. À grand bonne de Smusclève, droit que Réval, maïs, me mestra, et Blamont. Plus dur de Sbédour, Pévanquet. Ne ce que Pelzo, puis, comme de ce l'arbre d'oua, ou abé, digo, avoir un ton de bras, stalé, sinutra, bacarès. Ah, ou à calze dude, hein, peine ou bras, et vel juste vide, igora, dur, sinutra, bacarès. Ag, et non, vos grètes, stalze, vos grètes bleues de laisse, et vide mag en bugal et vienne, brochina. Ag, Dre, Porzmour, Brest, vos casses de Heurbleu de l'Est de Vrochina. Évitude zo, c'est son dravat, plus dur, bonne vos crous et de poste au labour, évitude de ce vro, avec vos digor, d'armar à neve, évite l'Est, leur vro. Évitude elle, n'est que d'un drap tient vats, plus dur, n'est que mal de Boudindan Gal ou de Brochina, puis tu de Brochina, vide l'Est, avec prise vos grètes, Grande étude Brochina, n'est que grande étude de Vro. Bonne de Bépini d'Origion, joueur un d'Achens, gouelle de vous. Red vos gottes à gouelle de vous. Et vite, je m'en temps, voir d'Achens de l'Est. Clasquera beau Europa, ne beta de l'Est produire, de vide l'acca de prise de Greskin. Assez-tu vos icours de Ray Neptor l'Est? Et vite péblit ad neptor, graine neptor, j'ai son draf en tusoir, vidolit ad de l'aise à nouveau que produit, vos ro et perzec centime euro, hein, pela reine mode, gandbro europa, à dix centimes gandbro vrance, pis rey per centime warnugen, et vide lit ad neubetor. Das queer, zirei quasi war mames prise, vidolit ad anneau que produit, vidolit ad vos produit. Un zézo, dra, iskis, de comprenant de temps, mais dis ce vos comptes. Ag, wardro, trisek mil, zavers out, ne zine visé, Provence, a wardro, hanter kan mil, vide repa e bis. Mais arrête vos gottes à son temps de vel lagin, vos effets du zendrasé, vide, cresse qui prise l'aise. Comme ce vecal, marément, a mu hormui, de ce labourdou arbio. Vide un wer mistien tant blanc d'auville, ruizek, blanc, maraden d'andvezu produit hervé lesen ou l'arbre doux arbio, ne scresque de hugen dragon, pisso au berne. Tos de wer dragon de zen doux à rebrovrance, zo labour de vraiment, hervé lesen ou doux arbio. À ma vecresque dix par de triple arroise, vos tos de dig dragon de zen doux à vos grèdes bio, Brovrance. Ag, zou et zuzoir et gwel pe sa mot drey en avel. Pe oan oise or bugel zézo pezo boe, triugen blasso, mais jongement de mestezé, re oa sens de vous de peine ou bras, visionnaire ad vel velar d'in galag, hein, les visionnaires, rins l'ar et vigb de mag d'un dud gan pilulne, gan, gant King Gret, gant Ioulmeigne, hein, l'art vigé de ses biftec de pétrole, ag bénéfine, un trou, n'est qu'il est tombé ou un tuse, mais rentrolé, un dieu de glace mu en mui, débrin trou, toaster de the nature, gant neptor dans le vésio chimique bars, ag zézo, juste rentrol de ce pays de jongeais, visionnaire, ag en c'est, mais, Zuroir vit de visionnaire zo hu d'une dé, et on tombe ma mesmod, pesvelar atim vo ton auton, n'est que zur ton teil. Bon, dans mon tombe, wardash en or politique, res vraiment. Tostaram tombe à tombe de ze votade, gevid de lacadondin, warkad orveur, brovrance. C'est humant politique courien, au fir vicals, bantuguel à banturu, evid good pile au hello, Mon noir gars dormant, ag bonne de gentan vos grèdes, votre dégoût, Vidibab re au Warrenk, primaire Velase, à Waller Vogel, Pessambo de Vaucon. Alors, vraiment, en de compte, on tombe de ce Pesvelar, d'Oar Istor Brovrance. Quand je cherche blé, zo, Warze Brovrance, plus dur, pouvait voter ou dire, mais comme je cache de Istor Brovrance. Bah, Brovrance, mais stume tut, et vide, Oberkentelio Istor. Réellement, rastu dit Istor, bas colveur, bas colioveur evro, das coeur, bah, Brest, pe, bah, Roison, pe, bah, Nanglet. A Waller, et rete tramen, au Honcourt, rapes, pe, n'agrégation. C'est tu, Gelener, y'en se, ou en parloir, un Istor. Istor, Pobluer B, d'Istor, Bro Europa, d'Istor, Brovrance. Mais, PVP avec calze des obolitiques, rien, zo bavrons, au comble de ce qu'il est là durant l'histoire, et zo est usoir, PVP avec, évite, éviter, politico, rien, zo, zo, jacobine toute, Gelener, y'a une histoire, de l'effet conto de Rfugale, roman national, de l'art des, hors sorte, Gontaden, Bézarve de Pelzo, déjà, quand tu devais, Ernest Lavis, hors Gontaden, et vide, hors, Diski Pessamon, et bien, sens de une histoire Hervé et Jacobinet à Doberzé de la de Gonto une histoire de Hervé Jacobinet n'est que red quand tu d'en parloir une histoire à même Larfen et Doberzé avait fait Bigweller quand qu'elle est née il y en a no Warfen que calzedra ou Ardache une histoire mais de justement qu'on et Vichon me on tend Ardache une zévenadion. L'ennemeuse Zunel, bah, ouest éclair, ou anitra ou député, Brogwengam, au vent de Guinigun, un temps de Vélezen, et vide Gwela de Stade, Yez ou Gwaskat, vu leur brésonne, à Zézo, Zoué, Zuzoir, plus dur, que Gwalbezo, à Bekinig, de Lezen, Gand, Paul Molak, à Noa, Kaïdé, Nebet, au vote en, Lezen, à Bromen, vos Had, Had Kinig, de Lezen, hein, et vite Zé. Babla, Mino, Han, Onan, na, Hunterkan. Ou abe, vote de Lezen Dixon. A dit ce, quand Lezen Dixon, halle, Vistrisco, l'oberoneur, Brezon, de Gezun, Bascolajou, Bascolio, hein. Ag, Gwellore, de Hudundé, Roas, Zokals, Scolio, Bavron, avec Gré d'honneur, Zun, Brezon, n'a même aux une honneur blanc, puis au Landro Velmogne. À Bromen, vos grès de vos cliniques dans les lesen, mais de ne ce que chance bi de Dramen, plus dur, bon on maille, bah, Maria Votadeg, ou un que de politico, il y a une manque change à le baser, tine. Ag, m'avait moyen de VFB d'or, histoire, dans les lesen, ou zopé, clinique de bois, bois lesen d'exon, au nom de blanc, puis Wardro, ag ne ce que bit tram hay bit bit vraiment hein. As une gue je avait même ce bon avait même ce tabut ou même ce gave your velard bon avait je m'en roise vos comptes même ce bon bon c'est tu un temps de spessonné ve bavro c'est tu la randar qui navo chilover en rkb à qui navo dar morgan qui nous iri tiens norvégel